Au phare d'Armen, par Michel Merlet. Voici ce que me conta un jour un vieil aubergiste dans une petite ville que le mauvais sort avait abandonnée parmi les flots lugubres de l'océan. Nous étions assis dans la petite salle à manger de l'hôtel. À travers la fenêtre ouverte, on voyait un petit espace de terre tout parsemé de rochers, parmi lesquels une herbe pauvre pousse avec effort. Dans les endroits plus plats et plus nus, le varech étalé soigneusement séchait. Jaune, presque brune, sa nappe brillante dans les rayons du couchant comme une plaque de cuivre poli. L'horizon très proche était fermé par une haute falaise derrière laquelle les vagues houleuses hurlaient. Connaissez-vous le phare d'Armen ? Non. Vous verrez sa lumière entrer cette nuit par la fenêtre de votre chambre. Du soir au matin, le faisceau de ses rayons verdâtres balaye la mer et l'île sur l'espace de plusieurs kilomètres. Il est bâti sur le dernier brisant de la chaîne que vous avez vue à votre droite en vous approchant de l'île. Plusieurs courants se croisent à ses pieds. La mer y écume toujours. C'est un des endroits les plus dangereux de nos côtes. Avant qu'on eût construit le phare, beaucoup de bateaux ont péri sur les récifs. Des accidents malheureux y arrivent encore aujourd'hui. Combien de pêcheurs s'y sont noyés ? Qui saurait le dire ? Il a fallu plus de 20 ans pour construire le phare. Le rocher sur lequel il est érigé ne dépasse que très peu le niveau de la mer. Les vagues le recouvrent souvent. Durant les premières années, on n'a pu y travailler en tout que quelques heures à peine. J'y étais, moi. Nous abordions le rocher pendant les marées les plus basses. Parfois, nous ne pouvions poursuivre notre travail fiévreux, épuisant, qu'une heure ou deux. À peine avions-nous eu le temps de cimenter quelques pierres qu'il fallait déjà fuir cet endroit maudit. La mer nous chassait. Elle ne voulait pas nous abandonner le rocher. Elle ne permettait de rien bâtir là où elle voulait régner seule. Les hommes enrageaient. La colère nous rongeait le cœur comme un poison. Que de fois, nous n'avons plus retrouvé de traces de ce que nous avions construit la veille avec tant d'efforts. La mer balayait tout dans un moment de furie. Il a coûté cher. Le phare d'Armen. Pour le même prix, on aurait pu bâtir un château magnifique sur la terre ferme. Mais qu'importe l'argent ? La tour du phare n'a que quelques 20 mètres de hauteur. Eh bien, chaque mètre a été payé d'au moins une vie humaine. Que de fois ma présence, une vague monstrueuse montant subitement des fonds inconnus, a enlevé un homme du rocher avant qu'il n'eût le temps de se sauver. On ne pouvait penser au sauvetage. Il fallait défendre notre propre vie. La mer dispersait nos bateaux et les chassait au loin. Quand nous revenions, les flots étaient déjà apaisés et léchaient les pieds des récifs comme des chiens fidèles. Jamais nous n'avons réussi à retrouver le cadavre de notre camarade. Après des jours, après de longues semaines parfois, la mer le déposait elle-même sur la grève de la baie des Trépassés. La construction terminée, j'ai pris le service au phare. Nous étions 3 gardiens, dont 2 étaient toujours au travail. Un seul n'en serait pas venu à bout. Il faut surveiller la lampe sans cesse. On ne peut pas la laisser s'éteindre, même une minute. Il est possible à un seul homme de veiller toute la nuit. Chacun prend son quart, et puis l'homme n'est jamais sûr. Parfois il faiblit, il tombe malade. Et alors, ouvre l'œil, toi, solitaire qui garde le phare. Fais attention à la lampe comme à la prunelle de tes yeux. Et quand le brouillard étouffe toute lumière, fais marcher la sirène pour qu'elle avertisse les bateaux, de sa voix plaintive, du récif qui les guette. Tous les 8 jours, un de nous descendait à terre pour y prendre quelque repos. Un autre le relayait au phare. Pas toujours, d'ailleurs. Car lorsque les tempêtes d'automne et d'hiver se déchaînent sur l'océan, la communication entre le phare et la terre est souvent interrompue pendant des semaines entières. On ne se relaye plus alors. Nous restons à 2 sur le rocher. Nous veillons sur la lampe de nuit. Et le jour, nous attendons durant des heures une saute de vent, guettant un pan de ciel dans le linceul noir des nuages. Il arrive que la faim nous tenaille, car nos provisions s'épuisent lentement et alors, chaque morceau de biscuit devient comme un point fragile auquel s'accroche la vie de l'homme au-dessus des abîmes d'une mer démontée. Et nulle part, elle ne se démène autant qu'au pied du phare. Elle hurle la nuit. Elle tonne et bat le rocher sur lequel la tour tremble comme s'il était secoué d'un accès de fièvre. Et ne pouvant pas abattre le phare à coups de vagues et de rafales, la mer cherche à épouvanter le gardien pour qu'il faiblisse et oublie la lumière. Elle obsède l'homme cruellement de voix de tous les noyés engloutis par elle, puis jetés sous les sables de la baie des Trépassés. La mer est le phare. La lumière est pour elle l'ennemi et le traître, car elle arrache les victimes de sa gueule en annonçant aux marins le danger de l'écueil. C'est une lutte de vie et de mort que l'océan mène contre le phare. C'est ainsi que nous avons vécu de longues années sur cette tour perdue parmi les flots. Il arriva un jour. L'hiver était cette année singulièrement rigoureux. La tempête hurlait souvent pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Les communications entre le phare et la terre restaient parfois interrompues durant des semaines. Nous ne pouvions nous relayer que très irrégulièrement. Nous endurions souvent la faim et la soif. Nous usions nos forces dans cette lutte quotidienne contre le ciel et contre la mer. Je résistais tant bien que mal. J'ai toujours été sain et fort. Mais il en était autrement avec mon camarade. Il n'était plus jeune ni solide. Les maux anciens, tapis dans son grand corps décharné, se réveillaient. Les blessures reçues jadis dans les guerres coloniales le faisaient souffrir cruellement. Il errait dans le phare comme une ombre. Il fallait lui céder des rations plus grandes, le laisser reposer un peu plus pour qu'il ne tombât pas à la peine. L'écart, qu'on prenait la nuit, était dur. On restait assis sous la lampe qui brûlait clair et on regardait. Le monde tout autour était plongé dans des ténèbres opaques. Parfois une partie de la mer ou de la terre lointaine, éclairée par le faisceau lumineux, surgissait de l'obscurité pour retomber un instant après dans une nuit plus profonde. Les vagues rugissaient comme des possédés et battaient le rocher en faisant trembler le phare, qui semblait près de s'écrouler. Chaque heure nous paraissait alors longue comme un siècle, et l'on faisait des efforts surhumains pour arriver à la fin du service quand le jour se levait. Mais les journées n'étaient pas beaucoup meilleures. Nous restions assis tous les deux dans une petite pièce, l'un en face de l'autre, en fumant nos pipes. Nous ne causions plus. De quoi aurions-nous pu nous entretenir? Depuis longtemps, on s'était dit tout ce que nos souvenirs avaient pu suggérer à nos lèvres. Mon copain lui-même avait déjà épuisé le trésor d'histoire apporté des guerres d'Afrique et d'Asie, de tout son long vagabondage à travers le monde. Nous ne pouvions plus parler du temps qu'il faisait. On avait déjà perdu l'espoir de voir un jour la fin des tempêtes. Toutes nos prévisions basées sur une vieille expérience, sur notre connaissance de la mer, sur les symptômes infaillibles qui nous avaient servi si longtemps, étaient vaines. Lorsque nous espérions un changement de temps, une saute de vent favorable, la tourmente reprenait de plus belle. Nos visages avaient noirci, nos joues s'étaient creusées, nos provisions tiraient à leur fin. Nous nous sommes mis à nous regarder l'un l'autre avec haine à chaque bouchée qu'on avalait. Une nuit, mon quart achevé, je suis descendu dans notre chambre commune pour réveiller mon compagnon. Il m'a regardé d'un œil égaré, s'est dressé sur son séant, mais a gémi aussitôt et est retombé sur sa couche. J'ai touché son front et ses mains, ils étaient brûlants. Et en même temps, un frisson secouait tout son pauvre corps amaigri. Une fièvre coloniale depuis longtemps oubliée l'avait repris. Je suis remonté à la tour et j'y suis resté toute la nuit à surveiller tout seul le feu. Dès le matin, j'ai lancé des signaux de détresse à la terre pour annoncer un malheur et pour demander du secours. Avec ma lunette, j'aperçus une foule sur le rivage. Il était visible qu'on s'efforçait de mettre un bateau à l'eau. Il s'est trouvé des gars assez fous pour tenter de voler à notre aide. Mais la mer est plus forte que la folie humaine. La barque n'a pu quitter le port. Je suis retourné dans la chambre où le malade continuait à gémir. La soif le brûlait, car il demandait à tout instant à boire. Il vidait avidement des gobelets l'un après l'autre, en répandant une partie de leur contenu sur son lit, car il frissonnait et n'arrivait pas toujours à saisir les bords du verre avec ses lèvres tremblantes. J'examinais notre baril d'eau douce, un peu de liquide précieux restait au fond, juste assez pour quelques jours à peine. Je me suis jeté sur mon lit tout habillé et me suis endormi d'un sommeil dur, d'où ni les gémissements du malade ni le cri de la tempête n'ont pu me tirer. Je me suis réveillé tard et je suis remonté aussitôt au sommet du phare. Le jour déclinait et à l'ouest, sinistre présage, les bords des nuages étaient d'une couleur de sang. Avec ma longue vue, j'ai regardé du côté de la terre. Pendant mon sommeil, le bateau avait réussi à sortir du port. Il se dirigea à présent vers le phare. Son équipage luttait contre la rafale et contre la mer, avec le courage des hommes voués à la mort. Les flots soulevaient la fragile embarcation, la lançaient dans l'abîme, de sorte qu'elle disparaissait parfois à mes yeux, et lorsque je perdais déjà tout espoir, et que mes lèvres se mettaient à murmurer un requiescant funèbre, elle surgissait tout à coup, à un autre endroit, labourant de sa proue les flancs des vagues et balayant presque leur écume de sa voile déployée. Mais l'âme de ceux qui manœuvraient le gouvernail et la voiture était forte. Elle maintenait le pauvre bateau comme un chien en laisse et ne l'abandonnait pas au bon plaisir des flots et des vents. D'une main de fer, les marins ramenaient leur barque dans la voie étroite chaque fois qu'un coup de rafale ou de mer l'en avait détournée. Mes yeux se collaient avidement à la voile qui se couchait par moments sur le dos des vagues. Mon âme s'envolait au secours de ces braves qui, pour le salut des hommes, livrent la bataille aux éléments déchaînés. Il est arrivé qu'un coup de vent terrible et une vague furieuse, toute couverte d'une écume jaunâtre, se sont emparés ensemble de la barque, l'ont fait virer et l'ont jetée dans l'abîme. Elle a disparu de ma vue. J'ai hurlé de douleur et mon cri a couvert le bruit de la mer et monté vers les nuages derrière lesquels le soleil semblait agoniser. Requiescant in pace. Je me suis détourné de la mer et d'une main tremblante j'ai allumé le feu. Et en suivant du regard les premiers rayons de lumière qui s'envolaient vers la nuit, j'aperçus soudain le bateau agité par la houle à quelques dizaines de mètres de notre rocher. Ivre de joie, j'ai descendu en courant l'escalier pour arriver à temps, pour attraper le câble et aider au débarquement. Ils étaient déjà si près que nos voix ont pu s'étreindre au-dessus des vagues, dominant le bruit sauvage de la mer et le sifflement de la rafale. Sur la proue, un homme se tenait qui devait remplacer le gardien malade. Il me suffit de fermer les paupières pour voir sa haute stature dressée tranquillement sur l'avant de la barque. Il serrait dans sa main un câble et mesurait de l'œil la distance, prêt à sauter sur le rocher par-dessus le gouffre. La barque s'est approchée de notre récif. Il m'a lancé deux fois le câble que ma main mal assurée et tremblante n'a pu saisir. Ce n'est qu'à la troisième fois que je l'ai attrapé. La corde était mouillée et elle glissait entre mes doigts. Mais je ne l'ai plus lâchée. En appuyant mes pieds contre une borne de pierre, en marque-boutant, j'ai tiré sur la corde fiévreusement avec toutes mes forces que le désespoir semblait décupler. La mer secouait l'embarcation, le vent la chassait du rocher. Le câble s'enfonçait dans ma chair, mes phalanges craquaient sous l'effort. Sur le bateau, on avait amené les voiles. Les rames trouaient les flancs des vagues et pliaient sous l'effort des bras et sous la résistance des flots. Enfin, la barque fut si près que le marin pouvait déjà sauter à terre. L'homme de la proue s'est élancé et atteint le but. Et je l'ai vu, enfin, auprès de moi. Il a saisi la corde et s'est mis à l'enrouler autour de la borne. La résistance acharnée de l'eau et du vent a dû céder devant l'énergie des hommes luttant pour leur salut. Et le bateau touchait déjà de sa proue le bord du rocher, et nous étions en train de nouer la corde à l'anneau de fer encastré dans la roche, lorsque, Seigneur Dieu, une vague de fond géante s'est levée subitement à mes pieds. Elle a dressé au-dessus de moi sa tête écumeuse, éclairée d'une lueur blafarde, et s'est ruée sur notre rocher. Je suis tombé par cette masse d'eau hurlante. Dans un éclair de conscience, j'ai lâché la corde et je me suis cramponné, avec le restant de mes forces, à la borne de pierre. La vague s'est retirée. Je me suis levé péniblement, ne lâchant cependant pas la borne et j'ai regardé autour de moi. Le rocher était vide. Loin dans la mer, le bateau roulait sur les vagues déchaînées. À quelques mètres de moi, dans l'eau, le hardi sauveteur luttait encore contre la mer. Déjà, je me précipitais à son secours, lorsqu'une vague nouvelle s'est abattue sur moi. Et je n'ai plus vu que l'onde écumante, et au loin, à la lumière du phare, un mât désemparé jouait impuissant des flots. Je suis retourné au phare. Le malade s'agitait sur sa couche. Il se dressait par moments en criant des mots inintelligibles, en mêlant toutes les langues qu'il avait entendues sur les terres étrangères où il avait erré. Il est mort la même nuit. J'ai dit les prières d'usage. J'ai recouvert son corps d'un drap et je suis remonté en haut. Et depuis, je suis resté seul au phare pour garder le feu et pour veiller mon malheureux camarade, couché pour le repos éternel dans notre chambre commune. Je passais les nuits au sommet de la tour qui tremblait sous la rafale et sous l'assaut continu de la mer. Le jour, je me plongeais pour quelques heures dans un sommeil de pierre, plein de visions et de délires, qui ne resterait pas mes forces et dont je m'éveillais encore plus affaibli et rongé par la fièvre. Ainsi, deux journées folles et deux nuits terribles sont passées. Mes provisions étaient épuisées jusqu'à la dernière miette, mais je n'avais plus envie de manger. Je n'avais plus d'eau, mon baril était à sec, et c'est alors que mon martyre est devenu atroce. J'étais brûlé par une soif incessante. La fièvre avait enflammé mon sang, mon cerveau, chaque nerf, et je n'avais rien pour éteindre le feu qui me consumait. Je ne pouvais plus dormir. Je tombais parfois dans un engourdissement douloureux et des visions folles me poursuivaient, bien que j'ouvrisse largement mes yeux à la lumière. Cependant, la vieille habitude l'emportait sur ma fièvre et sur mon délire. Tous les matins, je nettoyais la lampe. Tous les soirs, sa flamme s'allumait au-dessus de l'océan fou de colère. Mais un soir, ayant allumé le feu, je me suis abîmé moi-même dans les ténèbres. Le lendemain, en plein jour, on a remarqué de la terre que la lanterne continuait de brûler, et on a compris qu'un malheur avait frappé les hommes au phare d'Armen. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais couché au fond d'une barque. Le soleil froid d'hiver brillait au-dessus de ma tête. Le bateau se balançait sur les vagues qui couraient autour de lui, comme de jeunes danseuses pleines de joie. Non loin de moi, était étendu le corps de mon camarade, roulé dans un linceul. Je sentais dans ma bouche le goût brûlant d'une boisson forte. Je ne suis jamais plus retourné au phare. Il se tut. Le jour s'éteignait derrière la fenêtre. Un faisceau de rayons verts balaya soudain la pièce. Pourquoi donc, après tout cela, êtes-vous venu habiter cet îlot sauvage? On m'a dit que la vie y devient terrible pendant les tempêtes d'hiver. Il arrive, paraît-il, que l'île est coupée du monde pendant des semaines. La faim fait alors cruellement souffrir les habitants. On dit également qu'elle est toujours menacée d'un raz-de-marée. Pourquoi ne vous êtes-vous pas installé plutôt sur la terre ferme? Il me regarda d'un œil étonné comme quelqu'un qu'on vient de tirer d'un songe. Pourquoi suis-je venu habiter ici? Répéta-t-il. Parce que nulle part ailleurs l'océan ne mugit aussi fort pendant les tempêtes et nulle part on ne voit briller avec autant d'éclat la lumière d'Armen. Je sortis dans la rue du pauvre village. La nuit était complète. Et seulement, lorsque par moments, une gerbe de rayons éclairait la rue, les murs blancs des maisons s'allumaient soudain, d'une lueur verdâtre, et le squelette noir des buissons surgissait de l'ombre comme des fantômes funèbres. C'était « Au phare d'Armen » par Michel Merlet.